À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire coréenne dans la guerre de libération de la patrie, l'homepage internet russe irkutskblogspot.ru a inséré le texte intégral du dirigeant suprême Kim Jong-un, vivant et luttant selon l'esprit révolutionnaire du Baek-tu, esprit du blizzard du Baek-tu.